J'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer en vrai gagnant. Juste ici, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866-Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir et bienvenue à CKRL 89.1 à Québec. C'est l'émission Terra Incognita pour les prochaines deux heures. On fait suite aux illusions auditives qui ont accordé un bon petit bloc à Adrian Belew, qu'on ira voir la semaine prochaine. Et ça fera suite à Steve Hackett. Donc, je pense que c'est une belle période là, de musique progressive sur scène. Et tout ça, c'est en attendant la convention Terra Incognita qui aura lieu au mois de mai. Avec, évidemment, Annick Dotten, qu'on a hâte de voir. On se meurt d'impatience. Mais en attendant, on a encore beaucoup de bonne musique à écouter. Et on va commencer avec Chameleon, un groupe américain, qui a sorti un album récemment. En fait, c'est en 2013, qui s'appelle Rising. Et on retrouve là-dessus, vous allez trouver que ça sonne assez vintage. On retrouve des pièces qui ont été enregistrées dans les années 70, mais qui sont jamais parues. Donc, c'est enregistré à différents moments dans les années 70. Et malheureusement, Chameleon s'est trouvé à une période où il y avait un petit peu moins d'écoute. Il y avait beaucoup de concurrence dans la première moitié des années 70. Et après ça, ben, ça a été un petit peu la désaffection là, pour ce genre-là, avec l'avenue du punk. Écoutez aussi Drockfarben, un très bon groupe d'Ontario, dont on parlait, moi et Marc, à la dernière émission que j'ai animée au mois de novembre. Et je disais qu'on avait de la misère un petit peu à se le procurer et on trouvait ça un petit peu malheureux parce que c'est un groupe canadien. Mais on a réussi à mettre la main dessus. Et on finira ce premier bloc par Cast, bon groupe mexicain. Qui lâche pour, qui est toujours présent, qui continue depuis plus de 20 ans. En fait, à peu près ça, une vingtaine d'années là, à sortir des disques régulièrement. Et le dernier en date, c'est Arcis. On en a fait jouer à l'émission au cours des dernières semaines et on va en entendre un autre extrait. Donc, vous êtes en compagnie de Jean-François et Bruno pour les deux prochaines heures et c'est l'émission Terra Incognita. We'll be right back. making his pitch twitch. Making polite conversation, but nothing to say. Look out, the Texas cyclone's coming through. With his feet, he's shackled firmly to the ground. With a vigorous snap, he's triggered his clap, trap. Pinning him down to the ground, he can't get away. mistakes. I'm like a ship in shallow water, lost upon the sea of inner space.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bière bouteille, 8 bières en fût, 10 bières bouteilles, 8 bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 5 janvier, les Verts rencontrent les Jaunes. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Aimez la page Facebook du Triplex Suspendu et courez la chance de gagner une soirée VIP pour deux. Je t'en dis pas plus car c'est complètement fou, délicieux et déshydratant. Pas game, vas-y, cours le risque. Aime Facebook, le Triplex Suspendu, l'endroit idéal pour les parties de Noël, les parties de bureau. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents du Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 12 au 21 décembre, Les Contes à passer le temps vous convient à une soirée de contes urbains et folkloriques pour vous raconter des histoires de quartier et les secrets de ses habitants. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Et nous sommes de retour après une petite pause publicitaire. Et ce dernier bloc s'est conclu avec Cast. Et je vous rappelle que sur le site de l'émission Terra Incognita, vous pouvez avoir la liste des pièces qui ont joué. Et c'est aussi disponible en podcast si vous avez manqué une partie de l'émission ou si vous voulez la réentendre. Donc on donne les titres, les noms des groupes, mais parfois c'est... un petit peu difficile à comprendre. Alors, en les voyant écrits, des fois c'est plus facile. Donc, je parlais de Cast et son album Arcis. Cast était déjà venu à Québec et on s'est retrouvé avec des gens éminemment sympathiques et très professionnels. En fait, c'est du monde qui sont dédiés beaucoup à la musique progressive. Il y a d'ailleurs un festival, le Bahia Prog, où ce que beaucoup de musiciens sont passés. C'est à Mexicali, à la frontière de la Californie et du Mexique. Et c'est, disons, un petit peu loin, là. Fait que c'est pour ça que ça me surprendrait qu'on mette les pieds là à un moment donné. Mais Invisible Wind a déjà joué à cet endroit-là lors de ce festival-là. Et dans une note très yes, on écoutait Drock Farben et on avait débuté avec Chameleon. Et si vous aimez les sonorités des années 70, ben, je pense que l'album Rising, ça s'adresse à vous. Sur une note un petit peu plus moderne, on va y aller avec Steve Rotary qui vient de sortir un album qui s'appelle Live in Rome. C'est un album double avec en plus un DVD qui contient l'équivalent là, des deux CD. Et M. Rotary joue presque l'intégrale de son album solo là-dessus, avec des très bons musiciens, des jeunes pour la plupart, plus jeunes que lui en tout cas. Et c'est des versions relativement fidèles à ce qu'on retrouvait sur ce disque-là. Et sur le deuxième, on retrouve plusieurs extraits de Marillion, dont la très belle Afraid of Sunlight, Sugar Mice, Cinderella Search. Ce sont des classiques de Marillion que M. Rotary réinterprète avec son groupe. On poursuivra avec The Strobs, avec Prognostic qui vient de sortir. Bon, ça c'est Dave Cousin qui nous sort encore un disque avec des pièces qui sont différentes un petit peu des originales, mais plusieurs sont déjà sorties, comme Heartbreak Hill. Mais on retrouve aussi en bonus track des enregistrements des années 70, 80, 90 et 2000, en fait, il y a quatre extraits. Et c'est des classiques comme The River et Down by the Sea, et aussi la très belle Blue Angel, qui est dans une belle version. Bon, si vous n'êtes pas un fan invétéré des Strubs, c'est peut-être pas un disque qui est indispensable, et si vous aimez beaucoup, ça ne l'est peut-être pas davantage. Mais disons que quelqu'un qui aime ça, qui est assez amateur des Strubs, comme je suis, se fait prendre un petit peu. Et en fin de bloc, on va écouter Barrett Elmore, qui est un groupe qui sonne, encore une fois, très vintage, mais cette fois-ci, c'est un groupe moderne. C'est un nouvel album qui s'appelle Woodlands. On va entendre une pièce qui s'appelle Storm, et je pense que vous allez comprendre un petit peu pourquoi elle s'appelle Storm. Donc, on débute avec Steve Rotary. Thank you. carry with me. Dark is the mystery. How silently the kestrel is flying. His freedom and space, his view of the world far below. My eyes are wide open to take in the view. It's time to move on, for I'm starting over. Experience entered can only be gained. It's never forgotten or lost. We're here for a purpose that few of us find. It's time to move on, for I'm starting over. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulézard.com. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en laine super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40 % de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Bird People, l'exode Dieu et Roi, Mille fois bonne nuit, programme Kino Québec, les rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal à Québec présentent 18 Fugitives. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... Bird People, mille fois bonne nuit. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Eh oui, vous écoutez CKRL et pour la prochaine heure encore, vous serez en compagnie de Bruno et de Jean-François à l'émission Terra Incognita jusqu'à minuit. Et comme j'ai dit tantôt, ce deuxième bloc s'est terminé avec Barrett Elmore, un groupe suédois qui sonne assez psychédélique, assez années 60 et pourtant c'est tout nouveau, c'est récent de cette année. Et avoir l'allure des musiciens, ils m'ont toutes l'air dans la vingtaine. Et vous avez sans doute reconnu une sorte de, je dirais un petit clin d'œil, à Riders on the Storm, une pièce qui doit beaucoup aux Doors, mais aussi à Ennio Morricone. Et l'ensemble de l'album sonne un peu comme ça, là, assez folk psychédélique des années 60. Juste avant, c'était les Strobes avec Prognostic, la pièce Starting Over. On avait débuté avec White Pass de l'album Live in Rome de Steve Rotary. Et comme je disais, il reprend presque l'intégrale. En fait, il manque juste une pièce, la pièce titre de son album The Ghost of Pre-Payette. Et on va continuer avec Lunatic Soul. C'est le groupe, le projet solo de Marius Duda de Riverside. Et c'est déjà son quatrième. Et c'est un très, très bon disque. Encore une fois, Monsieur Duda a vraiment un talent. Et il fait... En fait, c'est plutôt au contraire de Riverside. C'est que dans ce groupe-là, on retrouve un petit peu les antipodes. Il y a deux amateurs de musique très lourde, très heavy metal, et deux amateurs de musique progressive. Et Marius Duda est effectivement dans la deuxième catégorie. Et c'est chanté cette fois-là parce que son troisième, c'est difficile à comprendre avec la voix qu'il a, mais il était instrumental, alors que celui-ci qui s'appelle Walking on a Flashlight Beam. Et on va entendre la pièce Gutter. Et ensuite, on entendra un extrait de l'album Kaleidoscope de Transatlantique avec Black as the Sky, ce qui va sûrement nous rappeler de très bons souvenirs de février dernier, alors que Transatlantique était dans nos murs. On va entendre une courte pièce aussi de Perfect Being, un groupe en fait qui est quasiment juste un... Non, c'est un vrai groupe, là. Et ça se terminera avec Gong, avec I See You. They crawl out from the dark. so I drag myself into this gutter.

Moments passing, Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Qui me tuera? Où est l'homme invulnérable, capable de tourner contre moi son épée sans lui-même y trouver la mort? Il est tout près de toi, devant tes yeux. Vois-tu mon bras? Je le vois. Mais c'est celui d'un lâche qui tient trop à la vie depuis qu'il est roi. Si je suis si lâche, pourquoi viens-tu me combattre avec une nombreuse armée? Encore une fois, je te réclame le sceptre et ma part de royauté. Tu n'as rien à me réclamer. Ce palais est à moi et j'y reste. Les Phéniciennes, un texte d'Euripide dans une mise en scène de Lorraine Côté. Présenté au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 7 au 14 décembre. Réservation au 418-643-9833. Pour accompagner les récentes bordées de neige, quoi de mieux que de parler d'art textile? L'équipe de Bazar, des passionnés d'art et culture, vous font découvrir une discipline à mi-chemin entre les arts contemporains et l'objet utilitaire. Saviez-vous qu'il y avait un retour en force pour l'intérêt du fait main et des loisirs créatifs? Lisez Bazar et découvrez un monde stimulant et fertile. Disponible gratuitement chez plus de 300 partenaires participants de Québec et Lévis. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. CKRL. On a reconnu le style très particulier du groupe Gong. Et c'est un gong tout à fait renouvelé avec plusieurs musiciens pas mal moins âgés que David Allen, le membre fondateur et leader du groupe. Et c'est une énergie aussi, je dirais, renouvelée. Il y avait 2032 qui est paru il y a quelques années, que moi j'avais bien aimé, mais on voit pas juste des commentaires positifs sur ce disque-là. Moi, ça m'avait plu. Mais ICU, qui est paru récemment, je pense qu'il fait un petit peu plus l'unanimité, même si il n'y a pas juste du positif à sortir de ce disque-là. Mais si vous aimez le style, ben, je pense que ça vaut la peine de tendre une oreille vers ICU. Juste avant, c'était Perfect Being qui... j'hésitais à savoir si c'était un vrai groupe. En fait, oui, c'est Johannes Lully qu'on a retrouvé dans Mod Vellum et disque solo aussi. C'est un style, je dirais, qui tend un petit peu plus vers la pop que ce qu'il avait fait avant. Disons, Mod Vellum était très Yes. Et on retrouve quand même des sonorités de genre-là là-dedans. Mais moi, je dirais peut-être un petit peu plus Beatles, en tout cas dans la pièce qu'on a entendue qui s'appelle Helicopter. C'est une pièce assez courte, mais très accrocheuse. Donc, j'avais le goût de la faire entendre ce soir. C'est un album éponyme et moi je trouve ça très bon. Juste avant, on avait entendu de Transatlantique, Black as the Sky, et on avait débuté d'une façon assez atmosphérique avec Lunatic Soul, et c'est assez représentatif de Walking on a Flashlight Beam. Et déjà le dernier bloc de l'émission Terra Incognita, l'édition du 6 décembre, en fait la première du mois de décembre, en fait. Bon, Bjorn Riis, on en a entendu la semaine dernière avec Marc. C'est bien la semaine dernière. Il y a deux semaines, je pense. Et c'est un très bon disque qui s'appelle The Lullabies in a Car Crash. Et on va entendre la pièce titre. C'est un drôle de titre, en fait, mais c'est l'album solo du leader de Airbag, qui est devenu un des ténors là, de la musique progressive anglaise. Et chaque disque de Airbag, on dirait qu'il est meilleur que le précédent. Ensuite, on ira avec Anton Roulard, un Américain qui lui aussi fait très bien avec The Plight of Lady Ona. La pièce titre, Marc l'a fait jouer à sa dernière émission. Nous, on va entendre la pièce Memories. Et on se retrouve pour un dernier petit commentaire avant la fin de l'émission. Thank you. be afraid. Lay down and rest your head. It's over now, so don't look back. Face the truth. I'll miss staying here with you when your heart is slowing down. When you try to hit the brakes and you know it's too late, we see our time and it's rushing. No trace that I need you now. So please stay with me. Stay with me.